travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Altos Abus, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Jean-Claude Delgène, vous disiez tout à l'heure que le management se durcit. Est-ce qu'il y a eu plus de pression sur les salariés, notamment avec le télétravail? C'est-à-dire que le télétravail est à la fois une aspiration. Jusqu'à présent, on l'a constaté pour une certaine catégorie de salariés. Ce que vient de dire Lorraine est très vrai, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 1,7 million de personnes qui avaient pratiqué le télétravail avant mars 2020. On s'est retrouvé avec 5,3 millions d'un coup, sans aucune préparation, à la fois du management, sans vérification que les moyens étaient réunis pour permettre ce télétravail. Par exemple, les moyens tout simplement matériels. Très souvent, on avait un ordinateur pour trois, les deux personnes, plus parfois les enfants qui n'étaient pas à l'école, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et puis, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail accentue les inégalités, par exemple, entre ceux qui sont cadres et ceux qui ne sont pas cadres, entre ceux qui sont en forfait jour et ceux qui ne le sont pas. Le télétravail aussi en renforce les inégalités entre les différents profils de personnes. Quelqu'un qui, par exemple, comme Lorraine, a la facilité de langage, va parler aisément, etc., sera favorisé par rapport à quelqu'un qui est un peu introverti, qui est un peu timide et qui aura du mal à faire valoir en fait son expression à distance. Le télétravail aussi va générer une très grande perte en matière de créativité et d'intelligence collective. Toutes les études le montrent. L'intelligence collective, c'est pas simplement l'addition des intelligences individuelles. L'intelligence collective, c'est quand les gens peuvent tous ensemble brainstormer, c'est-à-dire échanger. Ça signifie qu'il y ait des tours de parole. Ça signifie que on s'attache pas simplement à ce qui est dit, au sens du mot de ce qui est dit, mais à toute l'expression des visages, à la pratique corporelle, tout ce qui est langage corporel. Au télétravail, tout ça, ça disparaît. Hein, quand vous êtes en télétravail, par exemple, si quelqu'un lève les yeux, il y a une proposition qui est faite, si quelqu'un lève les yeux au ciel parce qu'il est en désaccord, ben, elle ne va pas forcément apparaître. Vous voyez, donc, il y a toute une partie qui est occultée par le télétravail et qui fait perdre de la créativité. Surtout pour les salariés, ce qu'il faut bien leur dire, c'est que le télétravail massif, ça aboutit à moins de promotion. Toutes les études le montrent, quand vous êtes loin du centre de décision, vous avez moins de promotion. Et puis, vous perdez aussi beaucoup en formation, la formation sur le tas. Vous perdez en émulation. Et enfin, très souvent, vous perdez en créativité. Pourquoi ? Parce que la créativité, elle ne se programme pas. Ça s'appelle la sérendipité. Bah, c'est souvent le hasard qui permet de créer quelque chose sans qu'on le veuille. Et donc, ces techniques de communication à distance ne favorisent pas la créativité et peuvent se retourner contre les salariés. Je dois dire une dernière chose là-dessus. Nous, on a fait une étude en 2013 qui est totalement conforme encore aujourd'hui, qui montre que quand vous êtes plus de 2 jours en télétravail par semaine, eh bien, au bout de 2 ans, vous quittez l'entreprise qui vous emploie. C'est-à-dire qu'il y a un tel délitement du lien social, vous perdez tellement d'accroche avec le collectif, eh bien, qu'à un moment donné, vous êtes à l'écart du collectif. C'est un peu comme quand vous êtes dans un peloton cycliste, on parle beaucoup des vélos actuellement. Si vous décrochez trop du peloton à un moment donné, eh bien, bah, vous lâchez prise et vous arrêtez, vous abandonnez. Eh bien, c'est exactement ça. Et donc, il faut faire très attention. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que vous avez des entreprises, des grandes entreprises, je ne donnerai pas de nom, qui imposent des accords de télétravail 3 jours par semaine, ce qui est énorme, au minimum, ça peut être plus, et qui prévoit la réduction des locaux professionnels de plus de 50%. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à terme, c'est très catastrophique pour les salariés, pour les collectifs de travail, d'autant que ça va encourager la délocalisation de l'activité à l'étranger. Parce que c'est ça aussi un des risques, c'est vraiment qu'on télétravaille à Lyon, on peut très bien télétravailler à Tunis, sauf qu'à Tunis, eh ben, vous avez un salaire qui coûte 4 fois moins cher. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les travailleurs détachés, il y a un risque énorme avec le télétravail, il faut faire attention, il faut vraiment l'encadrer, si on veut profiter du télétravail, il faut le faire une journée par semaine, c'est très bien. 2 jours, ça commence à être risqué. Et il ne faut pas aller plus loin, parce que sinon on se met en risque pour son emploi.